Lettre 45e, Constantin à Cneius Florianus, Hiéropolis, juin 302. Peut-être que les 100 voix de la renommée t'auront appris, ainsi qu'à mon père, le malheur et la défaite de notre armée, avant même que cette lettre ait franchi le grand espace entre l'Euphrate et la Tamise. Au surplus, Dioclétien et Galerius auront annoncé officiellement à mon père ce malheureux événement. Je garde pour moi toutes mes réflexions sur la cause de notre infortune. Les officiers, les soldats, mécontents, se le disent à l'oreille. Je n'en parlerai qu'à mon ami et à mon père. Vous seul connaissez ma répugnance à parler au désavantage de mon ennemi. J'étais présent à cette affaire, et je puis assurer qu'il fallait une violence de caractère telle que celle de Galerius, animée encore par un désir de vengeance, pour oser risquer une bataille avec des forces aussi inférieures et dans une position aussi désavantageuse. L'orgueilleux persan étant au loin ses tentes magnifiques, elles sont actuellement bien au-delà de la contrée où les Romains avaient planté leurs aigles il y a un mois. Nous sommes à présent sur la rive droite de l'Euphrate. Dioclétien, qui au commencement de la campagne était à Antioche, est revenu à Nicomédie. Il a fait sentir à César tout le poids de sa colère. À pied, orné de la pourpre, qui dans ce moment ajoutait encore à sa honte, Galerius fut obligé de suivre pendant plus d'une heure le char de l'empereur. Il n'appartient pas à un jeune homme de blâmer la conduite d'un vieillard, dont 18 ans de bonheur ont consacré la prudence. Cependant, je ne puis cacher que cette punition, qui ressemble plus à la vengeance qu'à un exemple juste de sévérité, n'est point dans le caractère de Dioclétien. De deux choses l'une, où sa cruelle maladie l'a rendu plus irritable, où l'adresse et la cabale ont réussi à attiser le feu de la discorde, qui jusqu'à ce moment couvait sous la cendre. Galerius est assez fin et assez orgueilleux pour supporter son humiliation avec une résignation apparente, mais son cœur brûle en secret de fureur et de vengeance. Il hait Auguste et me déteste aussi, quoique je n'aime pas mieux Dioclétien que lui. C'est ainsi que nous sommes les uns devant les autres, pleins de méfiance, de haine, d'hypocrisie, de crainte, et de tous les vils sentiments que ton élève rougit d'éprouver. Mais au milieu de tant de peines, j'ai obtenu le plus grand des bonheurs, un véritable ami. C'est un jeune Nicomédien dont j'ai fait la connaissance chez l'évêque. Son extérieur me plut dès le premier abord, et son esprit, qui se montre dans chaque parole qu'il prononce, lui valut mon estime, et depuis lors il a gagné mon affection tout entière par la noblesse de son âme et sa vraie sensibilité. Il est sur le chemin de devenir chrétien. Sa tête est capable de plans vastes et étendus, et son cœur possède assez de feu et de courage pour les exécuter. Je cherche à me l'attacher, mais à quoi bon des paroles? Mes cœurs s'entendent et se comprennent. La dernière bataille et des dangers communs ont mis le sceau à notre sainte amitié. Il est à moi. Je puis le dire avec orgueil et sentiment. Je l'ai gagné, et je suis sûr que je puis compter sur lui en toute occasion. Je dois implorer ton indulgence et celle de mon père pour cette lettre tardive, que vous ne recevrez que longtemps après les bruits qui vous seront parvenus de notre défaite. J'ai été blessé légèrement, mais de manière à ne pouvoir écrire. Cette lettre et l'assurance que je vous donne de mon entier rétablissement doivent suffire pour vous rassurer. Adieu, mon ami.